D'après moi, selon moi, ou à mon avis, tout ça se traduit par secondo me. Secondo me. Secondo lei signifie selon vous, à votre avis, ou selon elle, à son avis. Donc, secondo me, selon moi. À mon avis, c'est très bon comme ça. Comment diriez-vous ça en utilisant buono, B-U-O-N-O, pour bon? Secondo? Secondo me? Secondo me. Secondo me? C'est très bon. Et molto buono? Buono. Molto buono? Comme ça? Così. Così, très bien. Mm-hmm. Secondo me è molto buono così. Je suis se dit sono. S-O-N-O. Sono, je suis. Sans le io, parce que le O final de sono indique déjà qu'il s'agit de je. Pensez à voglio, je veux, que nous avons déjà vu et qui s'emploie aussi seul, sans io. Prêt se dit pronto. P-R-O-N-T-O. Pronto. Je suis prêt, se dirait donc. Sono pronto. Sono pronto. Mm-hmm. Presque se dit quasi. Quasi, comme un peu comme le mot quasi ou quasiment en français. Alors, comment dites-vous je suis presque prêt? Sono quasi pronto. Attendez une seconde. Vous êtes une femme, donc vous dites « je suis presque prête ». En italien, c'est pareil. Il y a Claudio et Claudia. C'est un O au masculin et un A au féminin. Donc, si vous voulez dire « je suis prête », vous ne direz pas « pronto », mais « pronta ». Pronta. Alors, comment diriez-vous « je suis presque prête » ? Sono quasi pronta. Pronta. Pronta. Oui, sono quasi pronta. C'est prêt, donnerait? È pronto. È pronto. Mm-hmm. Et ce n'est pas prêt? Non è pronto. Non è pronto. Donc, è signifie à la fois. Il est, elle est, c'est. Rester se dit restare. R-E-S-T-A-R-E. Restare. Rester. Et je reste se dit resto. Là encore, on retrouve le O final du je. Donc, resto veut dire je reste. Alors, resto pour le je. Je reste. Et resta avec un A pour le vouvoiement. Vous restez. Et aussi pour il ou elle reste. Donc, je reste ici se dit. Resto qui. Resto qui. Et il reste ici. Resta qui. Bien. Donc, resta peut vouloir dire « il reste »,« elle reste » ou « vous restez » quand on vous voit quelqu'un. Si vous voulez dire « combien de temps » en italien, vous direz d'abord « combien », c'est-à-dire « quanto ». Quanto. Et « temps » se dit « tempo ». T-E-M-P-O. Tempo. Donc, combien de temps c'est quanto tempo? Alors, dites-moi, combien de temps restez-vous? Quanto tempo resta? Resta, oui. Alors, reprenons. Je reste, c'est resto. Et vous restez, c'est resta. Encore une fois, comment dit-on combien de temps restez-vous? Quanto tempo resta? Bien, quanto tempo resta? Et combien de temps restez-vous ici? Quanto tempo resta qui? Bien, quanto tempo resta qui? J'aimerais éviter, et j'éviterai dans la mesure du possible, les termes grammaticaux, à trois exceptions près. J'aurai d'abord besoin de parler des verbes, qui sont très importants, puisque si on sait se servir des verbes, on sait aussi se servir de la langue. Et les verbes sont la colonne vertébrale de la langue. J'utiliserai aussi les mots « nom » et « adjectif », mais si je les utilise, je veux être sûre que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Malheureusement, les définitions qu'on donne habituellement de ces mots ne sont pas très claires. Pour simplifier, nous allons dire que tout mot devant lequel on peut mettre l'article « le »,« la » ou « les » est un nom. Le bonheur, la condition, la situation, etc. Un adjectif, c'est tout mot devant lequel on peut mettre « suis » ou « est », « je suis fier », « je suis content », « c'est possible » et ainsi de suite. Et un verbe, c'est un mot devant lequel on peut mettre « je » ou « je peux ». « Je suis », « je rentre », « je peux manger », etc. Donc, à présent, nous pouvons parler des noms, des adjectifs et des verbes. L'infinitif du verbe, c'est-à-dire la forme que donnent les dictionnaires, se termine en français par « er »,« ir » ou « re ». En italien, l'équivalent, c'est « are »,« ere » ou « ire ». Par exemple, parlare, c'est parler, et mangiare, manger. Partire, c'est partir. Capire, c'est comprendre. Et vedere, c'est voir, vedere. Donc, on a are, on a ere et on a ire. Il y a toujours un re à la fin. C'est ce qui représente l'infinitif du verbe, la forme que vous trouverez dans le dictionnaire.